seul avec elle. Dans cette grande ville le long du Saint-Laurent, je venais tout juste d'avoir mes 20 ans. J'avais le goût de vivre encore ma jeunesse, le goût de vivre ma jeunesse. Assis sur le parterre de mon salon, à regarder cette fille que je n'aimais plus, je savais bien qu'un jour il faudrait partir, partir avec la Providence. Quand je pense à mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence. Je vivais seul avec elle, derrière les murs de notre appartement, trop près du bruit de tous ces camions qui passent, je voyais venir ce chemin de la Providence, ce chemin qu'on appelle la Providence. À mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence. Maintenant, il est temps de se quitter, sans trop vouloir te faire souffrir. Je prends mon chemin et toi le tien aussi, celui qu'on appelle la Providence, celui qu'on appelle la Providence. Providence. À mon passé, j'ai le goût de m'en aller. Quand je pense à l'avenir, j'ai le goût de partir. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence. Oh Providence, Providence, c'est à toi que je pense, Providence.